Bonjour. Vous avez vu là par rapport à ce que je dis sur Stéphane Bern, puis l'autre là, l'espèce de, je me rappelle jamais de son nom là, le monsieur roux qui a l'air d'un homme des bois. Donc ces gens-là, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il y en a partout. Au Québec aussi on a ça. C'est pour ça que là je vais en parler. On va parler Sylvie Bergeron. Sylvie Bergeron, c'est la conjointe de Jean-François Lisée, puis c'est lié dans le supramental, c'est lié au supramental. Elle se réclame de la psychologie évolutionnaire. Puis avant des formations, des prix de fou, les consultations, c'est moins cher que ça bourrin un peu, là. Mais elle a pas mal plus de clients. Elle a pas mal plus de clients. On est sur le modèle, moi, je réussis en disant aux autres comment réussir. C'est carrément ça, là. J'avais vu ça, moi, dans le temps, un bureau ici qui devait être repris par une jeune femme, une universitaire. Puis finalement, elle, ben c'était trop, hein. C'était parce que là, il fallait donner des vrais services. Puis c'était un vrai, c'était des vrais notables, le bureau. Fait que là, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a laissé faire, finalement, elle a pas pris sa part du contrat. Puis elle est devenue, elle donne des formations en gestion des ressources humaines. Puis elle m'avait rejoint, je parle pas de Sylvie Bergeron, là, je parle d'une autre dame du même genre. Elle m'avait rejoint pour savoir si j'étais intéressé à sa formation sur la gestion des ressources humaines à 3 000 et quelques de la formation, là. Puis moi, j'ai dit, ben moi, d'être juste le fait que tu dises ressources humaines, ça part bien mal. Ça part bien mal. Puis, non. Tout de suite, l'identifier, c'est de la marde, c'est de la crosse. Dans le fond, je la connais, la formation, c'est comment servir des autres. C'est comment servir des autres, puis gérer l'énergie des autres. C'est carrément ça. Puis là, l'affaire, la psychologie évolutionnaire, le problème, c'est parce qu'il y a le mot psychologie. Moi, je pense que l'ordre des psychologues devrait se mettre le nez là-dedans. Parce que si on prend rendez-vous, ça va être quelqu'un qui est pas moi, ça, on va prendre quelqu'un d'autre. Ça va être pour tester. Ça va être pour tester. Voir c'est quoi. Puis, c'est sûr que pour des raisons de. En tout cas, à un moment donné, il va falloir mettre ses culottes puis prendre nos responsabilités en tant que peuple parce qu'on se fait fourrer. On se fait fourrer par du monde qui profite du monde tant qu'à moi jusqu'à un certain point par rapport à un agenda qu'on n'a pas décidé, qu'on n'a pas choisi. Je veux dire, la majorité des gens au Québec, puis ce qui était réellement nos ancêtres, c'était des gens quand même qui avaient une certaine culture de base. On a une civilisation, les Canadiens français, on a une culture. Puis ces gens-là, ils la respectent pas, notre culture. Ils la respectent pas. Regardez le nombre d'églises qui brûlent chaque année, c'est quand même incroyable. Je veux dire, il y a quelque chose de pas normal là-dedans. On dirait qu'il y a un agenda. Je veux dire, ça a l'air plus qu'aléatoire. D'accord? Puis moi, je regarde ça. Puis connaissant des gens peut-être dans un mode de pensée plus ancien, différent, mais il reste que je considère qu'ils sont pas respectés. Ces gens-là ne sont pas respectés parce que vous autres, les hommes nouveaux, c'est-à-dire des astis de mégalomanes, tant qu'à moi, qui se comptent des histoires, vous avez décidé que vous savez mieux que les autres. Comme Jean-François Lisée, le PQ, c'était même, je considère que c'était une voie de garage qui a été créée pour que l'indépendance se fasse jamais. Puis ça, c'est par rapport à l'affaire Morin, puis tout, là, moi, René Lévesque, en passant, je suis parent avec lui. Puis, je l'aime pas. Pas en tout. Pas en tout. Une nuisance. C'était pas ce chemin-là qu'il fallait prendre. Mais en tout cas, moi, en tout cas, l'affaire, c'est. Moi, jusqu'à un certain point, j'aurais pas la prétention de penser que je sais mieux. S'il arrive ce qui arrive, puis c'est le monde qui mène. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais l'affaire, c'est qu'est-ce qu'a fait Jean-François Lisée? Ben, le PQ, c'était une coalition de gauche-droite. Ben, il a congédié l'aile droite du parti. Puis le PQ, il a été fini pour longtemps. Ça se peut-tu nuire de même? Pourquoi? Pourquoi par idéologie? Regardez ce qu'il y a en arrière de lui quand il donne ses entrevues, là. C'est son émission avec Michel Courchesne et compagnie. Qu'est-ce qu'il y a en arrière? Des pions, puis des traîtres, tant qu'à moi. Des pions, puis des traîtres, tant qu'à moi. Lévesque, De Gaulle, hein, j'en ai déjà parlé du gaullisme, puis ce que j'en pense. L'affaire, là, le Rainbow Warriors, puis ces affaires-là, quand il y avait les tests, là, parce que les Américains avaient décidé que, bon, ça serait. C'est tout arrangé tant qu'à moi. Je veux dire, c'est quoi ces conneries-là? C'est quoi ces niaiseries-là encore? Moi, j'y crois pas, hein? À votre, c'est ça le problème. L'affaire, c'est que moi, c'était à la dure, pas à peu près. C'était à la dure. Je voulais pas y aller à l'université. Pourquoi? Madame Bergeron, elle sort de l'université, elle est déçue. Ben oui, t'es supposé le savoir d'avance. Ces affaires-là, ça vient pas de nous autres. C'est pas nous autres qui décident. C'est pas supposé être un nécessairement un choix au sens où on l'entend, mais par après, par contre, il y a des choix. Il y a des choix, il va falloir les assumer. Je veux dire, soit c'est réel, soit ça ne l'est pas. Donc, il va falloir vérifier. Nous avons le devoir. Nous avons le devoir de vérifier. Puis moi, je vous crois pas, je suis sceptique, mais je parle, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est instinctivement. Instinctivement, j'ai l'impression que c'est intuitivement. Intuitivement, j'ai pas confiance. J'ai aucune confiance en vous autres. Tant qu'à moi, c'est toutes des conneries, ça. Si vous essayez, vous êtes en train d'essayer de créer une nouvelle façon de voir pour l'avenir de un peuple en devenir comme si le Québec, là, les Québécois, on est amené, on a un grand destin, puis tout. C'est le même genre de carotte depuis toujours. Puis c'est tout le temps le bâton qu'on a. Puis, entre-temps, il y a du monde, ils vivent de ça. Puis ils se font des carrières là-dessus. Comme Monsieur Lisée. Je veux dire, il y a Michel Courchesne en face de lui, puis il en profite pas pour soulever certaines choses. Puis même, on pourrait dire, il y en a là-dedans, ils ont franchisé en face d'eux, puis ils en profitent pas pour soulever certaines choses. J'imagine que c'est une question de bonne entente, hein? De bonne entente. Moi, c'est une question d'honnêteté. D'honnêteté. C'est tout. J'en ai plein le cul de l'hypocrisie. J'en ai plein le cul de ça. Il n'y a rien qui me choque plus que ce milieu-là. C'est tellement rempli de cabochons, de sans-dessins, de monde qui se prennent pour je sais pas quoi. Tellement que ça va prendre quelqu'un qui est un trou de cul, qui se considère comme un trou de cul, qui n'a rien à perdre, qui a tellement pas d'estime de lui-même, qui s'en fout des conséquences. C'est ça que ça va prendre. Quelqu'un qui a même pas son propre intérêt à cœur parce qu'il y a le sens des priorités par rapport à quoi? Ben, qu'est-ce qui est écrit? Dans les évangiles, on est censé chercher la vérité. Mais Bernard, il dit, ah, oh, la vérité, c'est l'envers du faux. Ben, peut-être qu'il faut rechercher pareil pour dépasser cette polarité-là, puis voir qu'est-ce qui est réel. Hein? Parce que moi, Bernard, je le considère à 75%, c'est pas mal tout de la marde. C'est un crosseur quelque part. Puis, je veux dire, les faits, c'est les faits qui sont importants. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça a fini? C'est quoi les résultats? C'est quoi la résultante de ça? Moi, ces niaiseries-là, j'en ai souffert. J'en ai souffert depuis l'enfance. Puis, le jour où j'ai compris que j'allais quand même vivre, puis que j'allais continuer pareil à vivre, ben, je me suis dit, OK, mais je fais le pari par contre que il y a certaines affaires que je veux savoir puis que je veux faire. Tant qu'à être ici, là, dans la matière avec vous autres, être pris là-dedans, on va aller jusqu'au bout. On va aller jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a pas juste les mangeurs de marde en France, là, qui rient du monde puis que la population est menée par le bout du nez dans toutes sortes de gugus parallèles puis de conneries. Il y a ici. Puis, le Québec, à mes yeux, c'est pour la portion de population qu'on a, puis d'habitants qu'on a, ça n'a aucun sens. Le nombre de gugusseries, de sectes. Il n'y a pas une secte qui n'a pas son pied à terre au Québec. Il n'y en a pas une. Toutes des maudites cochonneries qui viennent d'Europe, des États-Unis, puis on a notre propre cochonnerie. On a nos propres cochonneries. Puis c'est ça qui doit être regardé en priorité. En priorité. Sur notre territoire, ce qui est issu de nous. Puis c'est ça qui va être regardé en priorité. Parce qu'il s'agit d'amalgames de chimères fabriquées avec des choses qui viennent de partout ailleurs, puis qui essayent de se faire passer pour d'origine canadienne, française, québécoise, ce qui n'est pas le cas. Daniel Kemp, l'art martial qu'il a créé, sont où les dojos? Sont où les formateurs? On fait comment pour reconnaître ça, là? Dans le fond, ça vous sert à quoi de créer du vent qui va tomber dans l'oubli? C'est passager, c'est de l'éphémère. C'est comme les projets à Bernard, les trois fois qu'il s'est planté parce qu'il n'y avait pas de discernement pour certaines choses. Quand ils sont arrivés au Costa Rica puis qu'ils ont vu qu'il y avait des transactions de drogue à l'aéroport, c'était pas une raison d'aller dans une république de bananes. C'était une pas pire place, le Costa Rica. D'accord? Moi, voir ça, j'aurais trouvé ça bon signe. Je disais, ah, tant qu'on a de l'argent, on va avoir les autorités locales sur notre bord. On va pouvoir s'organiser. Voir ça comme une business, tant qu'à faire. Si vous êtes pour voir ça comme une business, essayez au moins de ne pas vous planter puis que ça donne quelque chose. Mais le reste, c'est qu'il va y avoir des conséquences. Il va y avoir des conséquences parce que moi, je parle pas, moi, c'est pas des menaces que je fais, là. Votre manque de discernement va engendrer des conséquences, que vous le vouliez ou pas. Comme il y a eu des conséquences à Roche Sauvage, pas toutes ces affaires-là, des conséquences pour du monde qui n'était même pas concerné, parce que ça a détruit des familles, ces conneries-là. Vous êtes loin de vous douter de toute la merde que ça a faite, de tous les suicides qu'il y a eu autour des conneries de Bernard de Montréal, de tout le paquet de monde qui ont fini en psychose ou qui ont fini à la grande bâtisse, comme il disait. Ça veut dire, ça va prendre quelqu'un de, comment je pourrais dire ça? On dirait que pour le voir, ça prend quelqu'un qui est anormal au point d'être au-delà de la lucidité normale, jusqu'à un certain point. Quelqu'un, un fou, finalement, qui a réussi à vaincre son instinct de préservation, sa sensibilité, puis même son propre intérêt envers lui-même. C'est une affaire de principe. C'est une question de principe. Il y a des affaires, on n'a pas le droit de laisser faire ça, ou sans rien dire. Au moins dire quelque chose pour que les gens soient au courant, puis qu'ils se rendent compte de ce qu'ils font, puis dans quoi ils s'embarquent. Moi, il est là le problème. Parce qu'il y a un paquet d'affaires là-dedans que il reste que. Moi aussi, je suis lié à mon intuitivité, puis à ce qui est ma formation, si on peut dire, sur le tas de mon vécu. Puis intuitivement, il y a des affaires, je le sais intuitivement que c'est pas vrai. Je suis sûr, il y a des choses que je suis sûr à 100%, mais c'est pas suffisant. Il reste à vérifier. Il faut vérifier. Il y a des choses que je peux pas vérifier. Mais moi, personnellement, il y a d'autres affaires que ça passe pas. Ça passe pas. On peut pas laisser ça passer. Puis, c'est sûr que quand je fais un mouvement, il y a des retours. Il y a des retours. Puis, des fois, ça se peut que par eux, je m'arrange, ça rebondisse, puis oups, ça a tiré celui-là. Ils vont attaquer un autre. Ben oui, mais on fait ce qu'on peut. On fait ce qu'on peut. Hein? Les commentaires, ils vont rester ouverts. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Les trois chaînes que j'ai eues, les commentaires ont tout le temps resté ouverts. Puis même quand je le savais que je fallait que je ferme ma chaîne, parce qu'au niveau de ma vie privée, il s'en venait des choses que j'avais pas le choix, j'avais besoin de tout mon temps. Il reste, j'ai laissé entendre que c'était parce que j'étais donc fatigué d'avoir des retours. Puis que c'est. Puis là, pourquoi j'ai fait ça? Pour voir qui allait jubiler. Qui allait jubiler, puis être fier de ça. Être fier de m'avoir forcé à m'en aller, d'avoir été une pression psychologique tellement forte par leurs commentaires que, oh là, j'étais plus capable de gérer la pression, fallait que je parte. Je l'ai vu qui jubilait. J'en ai profité pour voir, puis je l'ai vu. Je l'ai vu, j'ai vu aussi qui est venu pour me donner le coup de grâce. Qui ont essayé de me donner le coup de grâce. Mais oui, mais vous êtes donc ben crétin, vous êtes donc ben naïf, vous êtes donc ben gnochon. Ceux qui sont mal intentionnés, dès que vous êtes mal intentionnés, vous commencez à être des vapeurs et à voir moins clair. La même façon que peuvent être naïfs des gens bien intentionnés parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, là, ça s'en vient, là. On approche. On approche. Puis il va y avoir des dévoilements. Puis le dévoilement, ça sera pas Bertold est un maître noir qui va être dévoilé en temps et lieu. Ça, c'est des accusations que j'ai pas digérées. C'est extrêmement grave. C'est pas mal la pire affaire que vous pouvez me faire. Puis comme du monde vient de me dire, ils me font des réponses genre, tu sais pas à qui t'as affaire, puis tout. C'est quoi ça, sinon des menaces? Je pourrais le considérer comme des menaces. Si moi, je me mets à l'interpréter comme des menaces. Même pas. Même pas. Ça prend des moyens. Hein? Bonne nuit.